بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On a terminé la dernière fois le quatrième chapitre, donc باب الخوف من الشرك باب وجود الخوف من الشرك, donc le chapitre de l'obligation de craindre, d'avoir peur du shirk. Et on avait vu que Allahu alam, par rapport à ce que comment le shirk il a il a exposé l'adilla, les versets, les hadith dans ce chapitre là, ce qui est voulu dans le titre, c'est la peur du shirk akbar et du shirk asghar. Shirk al-Akbar, pourquoi? Parce que, comme il l'a évoqué dans le premier verset, « Inna Allah al-yaghfiru an yushraka bihi » Allah Jalla wa'ala pardonne pas le shirk akbar, celui qui meurt mushrik et shirk al-Akbar, il demeure, il est son, le feu, et ça et sera sa demeure éternelle. Et concernant le shirk al-Asghar, ça nous est indiqué par le hadith qu'il a cité, le hadith qu'on trouve dans Musnad de l'imam Ahmed, lorsqu'il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna ma akhafu alaykum shirk al-asghar. Il a expliqué donc ce petit shirk comme étant l'ostentation, ou une petite partie d'ostentation. Ar-riya, comme les ulama disent, yasir ar-riya. On a aussi vu donc le Ibrahim alayhi salam, il a invoqué Allah Jalla wa Ala de l'écarter de l'adoration des idoles, lui et ses enfants. Lui qui a réalisé le tawhid d'un haut degré, il avait peur pour lui-même et pour ses enfants de tomber dans le shirk al-akbar, le shirk de son époque qui était l'adoration entre autres des statues. Parce que le peuple d'Ibrahim adorait les statues. Comme nous le montre le Coran, ils adoraient aussi le kawakib, les étoiles, etc., les astres. Évidemment, ça c'est vrai pour toute forme de shirk. Et aujourd'hui, on a d'autres shirks qui sont développés ou plus développés, ou les uns que les autres, selon les époques et les endroits. Comme le shirk aujourd'hui dans le hukm, ou le shirk dans l'obéissance, ou dans le tahakum, dans le jugement, dans la demande de jugement, etc. Ces sortes de shirk qui sont développés à notre époque, à nous, à l'endroit où on vit, ou même un peu partout, le shirk de la démocratie. Donc l'insan, il doit craindre d'y tomber. Et il doit prendre en considération l'état de la majorité des gens. Comme Ibrahim alayhi salam, il l'a fait. « Di Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas » Il a justifié sa demande auprès de son Seigneur, en disant que, ô Seigneur, elles ont, c'est-à-dire les idoles, égaré la majorité des gens. Aujourd'hui, la démocratie, le hukm bighayri ma anzalallah, le hukm forgé par les hommes, le fait d'y revenir, de se départager par ce hukm-là, ou d'y appeler les gens, et ça, c'est un shirk dans lequel la majorité des gens sont tombés. Même ce qu'on appelle l'islamiyoun, donc les gens qui prétendent à l'islam, qui forment des partis politiques, qui rentrent dans les parlements, qui participent à la démocratie avec toutes sortes de kuffar, d'athées, de communistes, de socialistes et de tout ce qui s'ensuit. Donc sous prétexte d'utiliser ce moyen-là pour instaurer l'islam, donc ils sont tombés dans ce shirk-là. Donc la peur du shirk, ou tous les textes qui viennent dans le Coran et dans la Sunna et qui concernent le shirk, l'interdiction du shirk, la peur du shirk ou la gravité du shirk, concernent le shirk dans son ensemble, dans tout son ensemble, et ça ne concerne pas uniquement le shirk de Quraysh par exemple, ou le shirk du peuple d'Ibrahim alayhi salam ou autre. Ça concerne toute forme de shirk. Comme Inch'Allah, on verra cette choubha, comme beaucoup de gens aujourd'hui utilisent cet argument-là pour dire que voilà, tel ou tel verset il a été descendu concernant le peuple d'Ibrahim. Le peuple d'Ibrahim, c'était quoi sur leur shirk, l'adoration des statues, l'adoration des astres, comme tous les versets qui sont descendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça concernait le shirk de qui? De Quraysh, qui adorait des idoles, des statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on ne fait pas ça. Ces gens-là disent, nous, on ne fait pas ça. Inch'Allah, si on a l'occasion, après ce livre, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, on lira, Inch'Allah, Keshf et les réponses que les ulama ils ont données à ces choubouhettes-là, qui sont répandues à notre époque. Il a cité ensuite donc le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, qui, comme le dit le cheikh Mohammed rahimahullah dans Kitab Tawhid dans le Masail, il dit que c'est une explication de la ilaha illallah. Ce hadith-là, entre autres, il explique le sens de la ilaha illallah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, man mata wa huwa yad'u من دون الله ندا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. C'est celui qui meurt en étant sur le shirk. Celui qui meurt en étant sur le shirk, il rentre au feu. Et même s'il dit la ilaha illallah. Ça aussi, c'est notre shubha qui est répandue à notre époque. Et comme le dit Cheikh Mohammed, il a dit dans Kishf al-Shubuhat, ça c'est la shubha la plus, comment dire, l'argument le plus fort qu'ils ont, c'est ça. De dire que Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé de la prononcer, alors que nous, les gens qui sont à notre époque, c'est des gens qui prient, qui jeûnent, qui disent les deux shahada, et donc que leur situation ou leur état n'est pas semblable à celui de Quraysh ou des peuples des messagers avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais donc que ces versets-là, et que ces jugements-là qu'on trouve dans le Coran, on ne peut pas l'appliquer sur celui qui dit La ilaha illallah. Ça aussi, c'est une choubha à laquelle le shir répond dans son livre. Il y a des réponses, quoi qu'il en soit, il y a des réponses dans notre livre, dans le livre qu'on est en train de lire, comme on l'a vu depuis le début du livre. Et entre autres, dans ces hadiths-là qui montrent que le sens de La ilaha illallah, ou ce qui est voulu par le fait de prononcer cette shahada, ce n'est pas simplement les mots, mais ce qui est voulu, c'est le sens. Comme on le voit dans ce hadith, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Celui qui meurt sur le shirk, il rentre au feu, même s'il dit la ilaha illallah. Et le hadith, il a terminé le bab avec le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man laqiya Allah la yushriku bi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu يُشْرِكُ بِشَيْءٍ دَخَلَ النَّارِ. Le hadith rapporté dans Sahih Muslim. Donc ça aussi, ça explique le sens de la ilaha illallah. Celui qui rencontre Allah, donc qui meurt en lui ayant associé, c'est-à-dire le sens sans s'en être repenti, celui-là, il rentre au feu. Donc on voit dans tous ces hadiths-là, et comme on le verra encore dans le livre, Inch'Allah, que la ilaha illallah, c'est une parole, certes, le fait de la prononcer, c'est une condition dans la validité de la foi pour celui qui en est capable, comme on l'a déjà vu, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de comprendre son sens, de le mettre en pratique et de ne pas commettre ce qui l'annule. Parmi les annulants et parmi les premiers annulants qu'Allah Jalla wa Ala a cité dans son livre et que les ulama ont cité dans leur livre, c'est évidemment le shirk. Premier annulant de la ilaha illallah, c'est le shirk. Donc il convient à n'importe quel musulman de le craindre. Et comme il l'a dit, ça se fait en deux étapes. Quand quelqu'un il craint quelque chose, il va apprendre à le connaître premièrement pour pouvoir s'en écarter. Et nous concernant, donc, on doit apprendre les sortes du shirk. Beaucoup de gens encore à notre époque, comme on l'a dit avant, qui pensent que le shirk c'est l'adoration des statues, qui pensent que le shirk c'est ou ça s'arrête simplement à la qubouriyine, à l'adoration des tombes, etc. Qui ignorent tout du shirk qui concerne par exemple le jugement, le hukm, la démocratie, le tahakum, qui ignorent tout de ces sujets-là. Pour eux, le shirk, il n'adore pas les statues. Et il n'invoque pas les morts, c'est bon, il s'est écarté du shirk. Donc ça, c'est parce que ces gens-là, ils connaissent pas le shirk, connaissent pas les différentes sortes de shirk, et donc ils ne sont pas capables de s'en écarter. Donc la première chose, c'est connaître le shirk, ses différentes sortes, pour pouvoir s'en écarter. Et après, comme on avait dit, c'est quoi aussi? C'est le fait de s'accrocher à Allah Jalla wa Ala et de rechercher sa protection contre le shirk. Celui qui pense qu'il peut se guider seul, encore une fois, et qui peut se guider seul et s'écarter du shirk sans le secours et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même il est tombé dans le shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, nasta'inu bika wahdak. Recherche l'aide d'Allah jalla wa ala pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, s'écarter du shirk et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous maintienne sur le tawhid. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans Sahih al-Bukhari, dans d'autres, il utilisait beaucoup cette dua, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Un dua simple. Ô celui qui retourne les cœurs, affermis-moi sur ma religion. C'est-à-dire, maintiens-moi sur ma religion. Donc, tout ça, et le fait de savoir qu'évidemment, qu'Allah Jalla wa Ala, le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est le shirk et l'akbar, tout ça, ça doit pousser la personne à avoir peur du shirk. Et donc, à apprendre ce que c'est le shirk pour pouvoir s'en écarter. Ensuite, le shirk, il rentre dans le chapitre numéro 5 du livre, donc Bab al-Dua, ila shahadati an la ilaha illallah. Donc le chapitre de l'appel à cette shahada, l'appel au tawhid, la da'wa ila tawhid, l'appel des gens, c'est-à-dire des autres au tawhid. Et comme le shir va le dire, une fois qu'une personne elle a appris le tawhid, elle l'a mis en pratique concernant elle-même, ça ne suffit pas, il lui incombe d'appeler les autres au tawhid. Il lui incombe d'appeler les gens qui ne connaissent pas le tawhid, qui ne pratiquent pas le tawhid, au tawhid, puisque c'est la voie des messagers et c'est la voie de ceux qui ont suivi les messagers, comme on va le voir dans le premier verset du chapitre. Inch'Allah. Donc, Bab al-Dua ila shahadati an la ilaha illallah. المحشي الذي لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه أما يجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمات على أنه لينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم قال الحسن لما تلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. Donc le Cheikh Mohammed Rahimahullah, si on analyse un petit peu comment il a organisé les chapitres dans son livre, il dit qu'une fois après avoir évoqué le Tawhid, c'est-à-dire dans le premier chapitre. Encore une fois, on avait dit que dans le premier chapitre, on ne sait pas trop ce que le shir il a voulu montrer. Bon, il y a un khilaf entre les gens qui ont expliqué son livre. Est-ce qu'il a voulu montrer le sens du tawhid, expliquer le tawhid, ou est-ce qu'il a voulu montrer le hukm, le statut du tawhid et l'importance du tawhid, et que le tawhid c'est la chose la plus importante dans la religion de l'islam. Ici, quand on regarde la parole de Al-Muhashi, Cheikh Ibn Qasim, lui, il voit Allahu Alam que dans le premier chapitre, il a voulu déjà montrer le sens du tawhid. Encore une fois, il y en a d'autres qui ont dit non, parce que dans le chapitre numéro 6, dans le chapitre qui suit, Le cheikh, il a fait tafsir la ilaha illallah, ou tafsir shahadat an la ilaha illallah, ou tafsir al-tawhid, le sens de cette shahada. Donc, il a réservé un chapitre bien particulier à ce sujet-là, et donc il est peu probable qu'il ait voulu faire la même chose dans le premier chapitre. Quoi qu'il en soit, les textes, que ce soit les versets ou les hadiths qu'il a cités dans le premier chapitre, ces textes-là montrent le sens du tawhid. On se rappelle, il y a le verset de sourate An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Donc, une fois après avoir évoqué ça, avoir évoqué le mérite du tawhid et le mérite du muwahhid dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre, l'accomplissement du tawhid complet et la récompense de celui qui accomplit le tawhid de manière complète, c'est-à-dire les fameux 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. Et dans le quatrième, la peur de ce qui contredit le tawhid, c'est-à-dire la peur du shirk. Dans ce chapitre-là, le shirk, il a voulu montrer qu'il ne convient pas à la personne qui a su ça, qui a connu ça et qui a mis cela en pratique de s'occuper que de sa propre personne. Donc, mais la personne, si une fois qu'elle a su, comme on l'a dit, qu'elle a su, qu'elle a connu le tawhid et qu'elle l'a mis en pratique concernant elle-même, il lui incombe, ici, il dit wajabat alayhi ad-da'wa ilallah. On verra après ce qu'il veut dire par wajabat. Il lui incombe d'appeler les autres, donc qui ne connaissent pas le tawhid ou qui ne le mettent pas en pratique, de les appeler à l'islam. Jusqu'à qu'ils fassent partie, donc, des héritiers des prophètes. Et qu'ils soient sur leur voie. Comme Al-Hassan al-Basri, il a dit concernant la parole d'Allah, Jalla wa ala, mimman da'a ilallah. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah? Al-Hassan, il a dit concernant le prêcheur, donc le prêcheur au tawhid, il a dit, celui-ci, c'est le bien-aimé d'Allah, c'est l'allié d'Allah, c'est celui qu'Allah a choisi, et il fait partie des gens qu'Allah aime le plus. Il a répondu à l'appel d'Allah concernant lui-même, et il a appelé les gens à ce que lui-même, à quoi il a répondu. C'est-à-dire, lui, il a répondu au tawhid pour lui-même, et ensuite, il a appelé les gens à ce tawhid-là. Et il a pratiqué les bonnes œuvres. Et donc, ça, c'est une petite introduction concernant la da'wa. Et donc, la da'wa, à la base, comme on va le voir, il va expliquer après le hukm de la da'wa. Est-ce que c'est wajib, c'est mustahab, etc. Il dit, innani min al-muslimin. Ça, c'est la suite du verset. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Hadha khalifatullah, ça c'est la fin de la parole de l'Hassan. Hadha khalifatullah, celui-là c'est quelqu'un qu'Allah Jalla wa Ala il a désigné comme étant comme un calife, comme étant quelqu'un qu'on suit. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله donc la da'wa le sens de la da'wa c'est globalement la da'wa ila Allah c'est-à-dire le fait d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et rentre en premier lieu dans la da'wa, rentre en première position, évidemment, la da'wa au tawhid. C'est-à-dire que la da'wa, elle ne se limite pas que à la da'wa au tawhid, même si c'est la première chose qui rentre, et c'est ce qui est voulu ici dans le chapitre. La da'wa au tawhid rentre aussi la da'wa à tout ce que contient la charia. Donc c'est la da'wa au tawhid et en la croyance en Allah Jalla wa et en la croyance en tout ce avec quoi sont venus ces messagers. Et ça englobe, donc il le dit après, et ceci, وَذَلِكَ أَنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا خَلِفَةُ اللَّهِ وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى التَّوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ أَبِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةَ إِلَى أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَأُصُولِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ بل الأمر بما أمر بي والنهي عما نهى عن ولا تتم إلا بذلك وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله تعالى وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. نعم. Il dit donc cette da'wa, en réalité, elle comprend tout ce que comprend la religion, tout ce que comprend la charia, puisqu'il dit que c'est la da'wa au sein, au pilier de l'islam, au pilier de la foi, et à l'ihsan. Or, on sait que la religion, c'est ça. Comme ça vient dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril alayhi salam, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. À la fin du hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Omar, donc le rapporteur du hadith, il l'a interrogé à propos de cet enseignant qui est venu enseigner aux compagnons leur religion. يهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ceci est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. الدين. C'est-à-dire toute la religion, elle est comprise. Ou elle comprend l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. Donc la da'wa, ça comprend tout ça. Et ensuite, il dit, بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عن. Ça explique. En réalité, ça explique ce qu'il dit avant, c'est-à-dire la da'wa à tout ce qu'Allah Jalla wa Ala, il a ordonné et à la da'wa de délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Donc ça comprend tout. Et la première chose qui rentre là-dedans, ou la première chose par laquelle la da'wa commence, évidemment, c'est la da'wa au tawhid, à l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. Et donc, le tawhid qui est le sens de la shahada de la ilaha illallah. Ça qu'on dit la ilaha illallah, ça c'est le lafz, les mots. Ou ce que les ulama ils appellent ad-dal. Ou le tawhid, on appelle ça le madloul. C'est-à-dire le sens. C'est le sens, le tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah. Donc la ilaha illallah c'est le lafz. Et le tawhid c'est le ma'na. C'est le sens de ces mots-là. Comme ça a été le cas pour l'ensemble des messagers, qui ont tous commencé leur da'wa avec le tawhid, an ya'budullah, ma lakum min ilahin ghayruhu. Et comme l'a fait d'ailleurs, il dit, l'auteur du livre. Comme l'a fait l'auteur du livre, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, lorsqu'il a fait sa da'wa dans la péninsule arabique, donc c'était au 18e siècle, fin du 18e siècle, il a commencé à appeler les gens à tawhid et à les appeler à délaisser le shirk sur lequel ils étaient. Et là ici, il donne le hukm de la da'wa. La da'wa ila Allah, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il incombe à tout musulman d'être da'i, de faire la da'wa? Est-ce que c'est une obligation religieuse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fard ayn, comme la salat, comme la zakat, comme le siyam ramadan, comme le hajj, ou est-ce que c'est fard kifaya? Fard kifaya, c'est-à-dire que même si l'ordre il est donné à toute la communauté, Pour que cet ordre il soit accompli, il suffit qu'une partie de la communauté s'en charge et que cette partie-là qui s'en charge soit assez importante pour que l'obligation n'incombe plus à tous les autres. Ça, le sens de fard al-kifaya, kifaya yakfi, c'est-à-dire que cette partie des gens qui s'occupent de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné, ça suffit pour que les autres n'aient pas besoin de le faire. Parce que ce qui est voulu dans fard al-ayn, c'est al-fa'il. C'est-à-dire dans tout ce qui est fard al-ayn, ce qui est recherché, c'est que chaque personne en particulier fasse l'acte. Dans le fard al-kifaya, ce qui est recherché, c'est al-fi'l. C'est-à-dire, il faut que l'acte il soit fait. Que ce soit par Foulan, Allan, par Bakr ou Zayd ou Amr, ce n'est pas l'important. Il faut que l'acte il soit fait parce qu'en général, cet acte-là repose sur cet acte-là une maslaha, c'est-à-dire quelque chose, un intérêt qui est général pour la communauté. Comme c'est le cas pour la da'wa, comme c'est le cas pour l'enseignement, comme c'est le cas pour d'autres choses. Et ici, il dit, chaque individu de la communauté, il lui incombe de prêcher à l'islam en fonction de ses capacités. Et ici, il dit à la fin, Allah idha lam yaqum bihi ghayruhu. C'est-à-dire qu'à la base, la da'wa, c'est fard kifaya. C'est-à-dire que si on a une partie de gens assez importante pour appeler les gens à l'islam et pour organiser une da'wa globale, on va dire, pour appeler les gens à l'islam, l'obligation, elle ne regarde plus tout le monde, chaque individu. Bon, les ulémas, souvent, ils donnent un exemple. Les ulémas de l'Ossoul, ils donnent un exemple. Ils disent, si par exemple, dans une ville, donc, on a besoin de qudat, de juges qui vont juger les affaires, les litiges entre les gens. Si un juge, par exemple, dans un village, dans une petite ville, un juge, ça peut suffire. Maintenant, si on est dans une grande ville, il faut absolument qu'il y ait plusieurs juges. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne qu'il y ait des juges qui jugent avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les litiges des gens. Et à partir du moment où on a assez de juges qui font le travail, comment dire, l'obligation, elle n'incombe plus à tous les autres juges. Même s'il y avait 10 juges dans la ville, si deux ça suffit, les 8 autres, l'obligation ne leur incombe plus, puisqu'il y en a deux qui se sont chargés de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Ici, en l'occurrence, le qada, le fait de juger. Ici, concernant la da'wa, c'est pareil. Si on a un groupe de gens qui s'occupent de faire la da'wa, c'est-à-dire une da'wa organisée globale, et que ça suffit, alors, il n'incombe plus à Monsieur Tout-le-Monde de faire la da'wa. Or, sincèrement, si on regarde notre époque à nous, des prêcheurs au tawhid, il n'y en a pas assez. Il n'y en a largement pas assez. Et il en faut toujours plus. Et c'est pour ceci que n'importe qui est capable de faire la da'wa, qui a les armes pour faire la da'wa, il doit la faire. Il lui incombe. C'est fard ayn sur lui. C'est fard ayn sur lui. Et celui qui n'est pas capable parce qu'il n'a pas les éléments, il n'a pas les bagages, on va dire, dans la religion pour le faire, il doit apprendre. En premier lieu, encore pour lui-même, encore une fois, il apprend, il met en pratique, ensuite il y appelle les gens. Ensuite, la da'wa au tawhid, normalement, n'importe quel mouhid, à différents degrés, il est capable de la faire. Parce que le tawhid, c'est quelque chose qui est clair dans le Coran. Les dalils du tawhid dans le Coran et dans la sunna sont clairs. Ils sont compréhensibles par tout le monde. Donc, normalement, n'importe quel mouhid, il est à son niveau capable de faire la da'wa. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Les règles dans la da'wa sont les mêmes, comme il va le dire après, que l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Comme on l'avait vu, l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, c'est pareil. Si on a une partie de la communauté qui s'en charge, il ne convient pas, ou il n'est pas obligatoire à tout le monde, à chaque individu, de le faire. Comme Allah subhanahu dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et qu'une partie d'entre vous, فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, qu'une partie d'entre vous, un groupe d'entre vous ordonne le bien et interdise le mal, fasse le bien, ordonne le bien et interdise le mal. Donc on voit, فَلْتَكُمْ أُمَّةٌ مِنْكُمْ, c'est un groupe à la base, فَرْد كِفَايَة. Mais si on se retrouve, c'est pour ça qu'il y a un sujet, qu'il y a une mas'ala qu'on avait vue dans le wasitiya, dans les règles de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Si par exemple, je suis dans la rue, je suis seul, et je vois quelqu'un faire un mal, à la base, le fait de lui interdire ce mal-là, c'est quelque chose qui est fard kifaya. C'est quelque chose qui n'incombe pas à tout le monde. Si on a le minimum de gens qui le font, c'est bon, comme on a dit. Le reste, l'obligation ne concerne plus le reste. Le problème, toi, tu es seul. Tu es seul à voir cette personne-là faire du mal. Donc, ça devient pour toi fard'ain. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, un groupe à voir cette personne-là faire du mal et qu'il y en a un qui va aller le voir pour le stopper, ça y est, les quatre autres, l'obligation ne leur incombe plus. Donc, on voit que ça dépend de la situation. Et on voit, il faut vraiment que, comme son nom l'indique, fard al-kifaya, il faut que le kifaya soit réalisé. Faut qu'il y ait une suffisance. Or, aujourd'hui, c'est clair que les prêcheurs au tawhid, il n'y en a pas assez. Les prêcheurs à l'égarement et au shirk, il y en a beaucoup, mais les prêcheurs au tawhid, il n'y en a pas assez. Donc, n'importe qui est capable, comme il le dit, hein, il dit يجب علي أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. Chacun selon ses connaissances, son niveau, il lui incombe d'appeler les gens et en premier lieu ses proches à l'islam. Le shir dit dans le matn wa qawl Allah ta'ala. Donc il cite le premier verset du bab du chapitre. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc le verset de sourate Yusuf. Donc traduction approchée dit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, ceci est ma voix. J'appelle à Allah avec science, avec clairvoyance. Ici, c'est, comme on le verra, la clairvoyance du cœur, c'est-à-dire la science. Avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Moi et ceux qui me suivent. Et gloire à Allah, et je ne fais pas partie du nombre des associateurs. في المحاش يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قول يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء ومن الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة الله وحده طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له لا إلى حظ ولا رياسة بل إلا الله على بصيرتنا بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعاني أي ويدعو إلي على بصيرة أيضا من اتبعاني وصدقني وآمن بي والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. On va reprendre. Donc Allah Jalla wa'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô Mohammed, ceci dit Mohammed, donc aux gens et aux mouchriquines de ton peuple. Ceci est mon appel et ceci est ma voix sur laquelle je suis. Qui est quoi? Qui est l'unicité d'Allah Jalla wa Ala, Tawhid Allah, et la pureté ou l'exclusivité et la pureté de mon culte pour Allah Jalla wa Ala, l'ikhlas ou l'ibada. Seul. Donc ceci c'est ma voie et c'est le sentier que j'emprunte. Et c'est donc mon appel à Allah Jalla wa Ala sans aucun associé. Et ce n'est pas un appel à autre chose. Ici, il a cité un exemple, Hadh wa Riyasa, où là, on pourrait rajouter aussi Hizb, les gens qui appellent, même si dans l'apparence, ils font une da'wah qui ressemble à une da'wah à l'islam, ils appellent en fait à leur parti, à leur groupe, à être suivis. Donc c'est un leader qui appelle les gens à le suivre, à faire partie de son groupe pour être suivi, pour être un leader suivi et avoir des partisans. Il y a beaucoup de gens, c'est la nature de leur appel, c'est pas un appel au Coran et à la Sunna, mais c'est un appel à les suivre et à faire partie de leurs partisans et de leur groupe pour grossir son groupe. Ou à autre chose parmi les choses de la dunya. Mais c'est un appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basira, c'est-à-dire avec clairvoyance. Ici, c'est la clairvoyance du cœur, comme il va le dire après, c'est-à-dire la science. Avec certitude et avec preuve. Ana wa mani taba'ani. Ici, les ulama de l'Nuhat, donc les gens de la grammaire, ils disent, concernant le verset, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي Ad'u ila Allah, cette phrase-là, ad'u ila Allah, qui est une phrase verbale, jumlatun fi'aliya, ça explique, ils disent, jumlatun tafsiriya li sabil. Ça explique ce que c'est sabil, en fait. Comme il l'a expliqué là. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ya'ani sabili huwa da'wa ila Allah. Ad'u ila Allah, c'est l'explication de sabil. C'est quoi ce chemin-là? C'est quoi cette voie-là? C'est la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. على بصيرة أنا ومن اتبعني ويدعو إلي على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به et appelle à Allah Jalla wa Ala avec clairvoyance, avec science aussi, ceux qui me suivent, ceux qui ont cru en moi, qui croient que je suis véridique et qui m'ont suivi, ceux-là, ils appellent aussi à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que celui qui appelle, qui prend la voix des messagers, il appelle au tawhid aussi. Et que quelqu'un qui est capable d'appeler au tawhid et qui n'appelle pas au tawhid, il n'a pas vraiment suivi la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne fait pas partie de l'atba', de ceux qui suivent sa voix. Ce que Allah Jalla wa Ala dit, Ana, c'est-à-dire le Prophète sallam, wa mani taba'ani, et ceux qui me suivent, ceux qui croient en moi, ceux qui croient que je suis véridique, que je suis l'envoyé d'Allah, ils appellent aussi au sentier, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour être de manière véridique parmi les suiveurs du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes de manière globale, il faut être un prêcheur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et en premier lieu un prêcheur au tawhid et au reste des rites de la religion. Chacun encore une fois selon ses capacités et encore une fois al-ilmu qabla al-qawli wa al-amali, c'est-à-dire la science avant la parole et les actes et donc la science avant la da'wa. Comme le Cheikh Mohammed dans al-usul al-thalatha, dans la première risala qu'on lit en général dans le Tawhid, l'introduction qu'il fait, où il explique les différentes étapes justement de l'accomplissement du Tawhid et du Mouahid, l'apprentissage, la mise en œuvre, l'amal, la da'wa, le fait d'y appeler les gens, et ensuite de patienter sur le résultat, comme ça comme c'est prouvé, comme c'est montré dans Sourate Al-Asr, ou Al-Asr, inna l'insana lafi khusrin, illa alladhina amanu, à part ceux qui ont cru, et on ne peut croire qu'en étant savant. Donc ça, la da'wa, elle vient bien après le fait d'avoir su et le fait d'avoir aussi pratiqué soi-même. On ne peut pas avoir connu la vérité, ne pas la pratiquer soi-même et appeler les gens à faire des choses qu'on ne fait pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, on l'avait vu le verset dans le Wastia, Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Il dit Al-Basira, comme on l'a dit, la clairvoyance, mais ici ce qui est voulu, c'est la clairvoyance du cœur, c'est-à-dire c'est la science. Al-Basira al-ma'rifatu allati yumayyazu biha bayna al-haqqi wal-batil. Al-Basira ici, c'est la connaissance qui permet de faire la différence entre ce qui est vrai, entre le vrai et du faux. Donc c'est bien, c'est l'ilm. Il n'y a pas de différence dans la langue arabe entre l'ilm ou l'ma'rifa. L'ilm ou l'ma'rifa, c'est la science, même s'il y a des ulama, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui évoquent certaines différences, mais dans la langue arabe, il n'y a pas de différence entre l'ilm ou l'ma'rifa. Donc al-basira ici, ad'u ilallahi ala basira ni'ani ala ilm, avec science. Donc ça c'est primordial et on l'avait vu aussi dans l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar dans le wasitiya que avant d'ordonner un mal ou d'ordonner pardon un bien ou d'interdire un mal, il faut être savant sur ce bien-là. Savant est-ce que ça c'est un bien, savant est-ce que ça c'est un mal avant de l'ordonner, c'est pareil pour la da'wa. On commence pas à faire voir beaucoup de gens qui veulent appeler à une chose qu'ils ne connaissent pas. Ou soit qui appelle à l'égarement, soit qui appelle au haq, mais d'une manière qui est inadaptée et dont les résultats vont être à contre-sens. والبصيرة يعني هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. Donc ici, il dit quelque chose, il dit, et ceci, c'est une particularité qu'ont eu les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire al-basira, par rapport au reste de la communauté, et c'est al-basira, il dit que c'est le degré le plus haut de science. Mais ici, il ne faut pas comprendre que cette chose-là, elle est propre simplement aux compagnons. Il n'y a aucun doute que les compagnons étaient les croyants les plus savants et ceux qui ont accompli de manière la plus complète l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la da'wa, notamment après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est pas quelque chose qui leur est particulier dans le sens où ceux qui suivent après ne doivent pas réaliser ça, c'est-à-dire al-basira. Al-basira, elle est obligatoire. C'est pour ça que si on regarde dans les masaïl de Kitab Tawhid, juste un instant, parce que là, je sais pas pourquoi. Arrêter d'enregistrer ce truc. Non. Oui. Dans les masaïl, si on prend Kitab Tawhid, ou si on regarde en Fath al-Majid ou quoi, on voit que le Cheikh dit An al-Basira min al-Wajibat. Al-Basira min al-Wajibat. C'est le Cheikh Mohammed dans Kitab Tawhid à la base ici, dans la Hashia, le Muhashi, il n'a pas rappelé le Masa'il, il les rappelle de temps en temps, mais il n'a pas rappelé toutes les Masa'il que le Cheikh, Rahimahullah, il a tiré des Adillah. que ce soit des versets ou des hadiths que le shir met dans le chapitre, dans le matn original de Kitab Tawhid, on sait qu'après, il dit fi masail, dit fi al-bab masail. Après, il cite beaucoup de points qu'il tire des adillah qu'il a cités dans le chapitre. Et parmi, dans ce chapitre-là, parmi les points qu'il cite, il dit an al-basir min al-wajibat, c'est-à-dire la clairvoyance, la croyance, l'ilm, la science dans la da'wah, ça fait partie des obligations. Donc n'importe quel da'i, n'importe quel prêcheur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être savant de ce à quoi il appelle. C'est bon, c'est, comment dire, c'est ma'qoul aussi, c'est quelque chose d'un peu logique, difficile d'appeler à quelque chose que soi-même on connaît pas. Et ça rentre aussi dans le chapitre de ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa wajib. Pour appeler, tu peux pas appeler à quelque chose sans l'avoir appris. Donc le fait d'apprendre ces choses, ça devient aussi obligatoire par ce côté-là. Wa subhanallah. Ça c'est la suite du verset. Wa subhanallah ay unazzihullah wa u'azzimuhu wa uqaddisuhu wa ujilluhu an yakuna lahu sharikun fi mulkihi aw nadhilun aw nadidun. تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. Donc on avait vu le sens de du tasbih, ce qu'on appelle le tasbih quand on dit subhanallah dans le wasitiya de manière détaillée. Donc on se rappelle que subhanallah, subhana, ils appellent ça ism masdar. À la base, la phrase c'est usabbihu subhanallah. Usabbihu subhanallah. Et que التسبيح, le sens de subhanallah, c'est quoi? التنزيه. C'est le fait d'exempter Allah Jalla wa Ala de tout défaut, de tout manquement et de toute ressemblance à ses créatures. Si bien que si Allah Jalla wa Ala il ressemblait à ses créatures, ça serait un défaut en soi, puisqu'on sait que la créature à la base elle est naqsa. Elle est justement touchée par les défauts, par l'incapacité, par l'ignorance, etc. Or, on sait qu'Allah Jalla wa Ala, il a ses caractéristiques, des sifat de perfection. Et donc, ceci, ça implique, ça oblige qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble point à ses créatures. Laysa kamithlihi shay. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu de manière détaillée dans le wasitiya. Walhamdulillah, c'est, quand on dit alhamdulillah, alhamd ou tahmid, c'est le fait de décrire Allah Jalla wa Ala par les sifat de perfection. Donc on retrouve souvent les deux dans le Coran, comme on l'avait vu, comme qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhan Rabbika wa Rabbil Izzati Amma Yasifun wa Salamun Ala Al-Mursalin wa Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc il a commencé par le tasbih wa Subhan Rabbika Rabbil Izza. Et il termine par Walhamdu, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Donc Nafi wa Ithbat. Allah Jalla wa Ala, aucun défaut, aucune incapacité. Allah Jalla wa Ala est capable de tout, il sait tout. Et on termine avec le fait de décrire Allah Jalla wa Ala par les sifat de perfection. Nafi wa Ithbat dans le Tawhid al-Asma wa Sifat, comme on a Nafi wa Ithbat dans le tawhid al-rububiyya wa dans le tawhid al-uluhiyya. Il termine le verset wa ma ana min al-mushrikin. Je ne suis pas du nombre des associateurs. La fil i'tiqad wal 'amal wal maskan. Lastu minhum wa la hum minni bi ay nisbatin kanu bi hayth la yu'addu minhum bi wajhin min al-wujuh. Donc je ne fais pas partie du nombre des associateurs, ni dans la croyance. C'est-à-dire, je n'ai pas la croyance des associateurs. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration, ou le fait de croire qu'un autre, qu'Allah jalla wa ala, soit capable de profiter ou de nuire, etc. Ou al-amal. C'est-à-dire, je ne pratique pas les actes que font les mushrikins. Donc tous les actes d'adoration que les mouchriquins donnent à autre qu'Allah Jalla wa Ala, moi je ne pratique pas ces actes-là. Je ne suis pas avec les mouchriquins et je ne leur ressemble pas en faisant les mêmes actes qu'eux font pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de croire ou de s'écarter des mouchrikines, de couper tout lien avec les mouchrikines dans la croyance et dans les actes en ne pratiquant pas ce qu'ils font, mais il faut aussi s'en écarter physiquement. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Je ne fais pas partie d'eux, elles ne font pas partie de moi. Donc, il y a le sens de l'bara'a. C'est ça que certains ils expliquent al-bara'a par al-qata'a. Al-qata'a, c'est-à-dire le fait de couper tout lien avec le mushrik. Couper tout lien avec le mushrik. Bi-ayi nisbatin kanu bi-hayth la yu'addu minhum bi-wajhin min al-wujuh. C'est-à-dire couper tout lien. Quel que soit l'aspect duquel on parle, j'ai vraiment aucun rapport avec eux. إن نذر في الاجتماعات فليس منهم وإن جلسوا في المجالس فليس منهم وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم فليس منهم في أي حال من الأحوال. C'est-à-dire que le musulman à la base, le mouahid, on ne le voit pas dans les assemblées des mouchriquins. On ne le voit pas dans leur majalis. On ne le voit pas dans leur majalis, c'est-à-dire lorsqu'ils se rassemblent pour discuter d'un sujet ou autre, il n'est pas assis avec eux. Là, ça fait penser, subhanallah al-azim, à tous ces partis soi-disant islamiques qui rentrent dans les assemblées, dans les parlements. Alors, non seulement ils sont dans leur majalis, mais est-ce que les ulama, est-ce que, pardon, les kuffars eux-mêmes, ils appellent ça quoi? Majlis al-sha'b ou majlis al-tashri'. Majlis al-tashri', subhanallah. L'assemblée dont le rôle est quoi? Est de légiférer, de rendre halal et de rendre haram. Là-bas, c'est que le musulman, il fait même pas partie d'eux, il s'assoit même pas avec eux pour parler d'une chose même qui n'est pas en rapport avec le dîn. Là, ils sont assis avec eux pour légiférer des lois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas permises. Là, le musta'an. Et ils ne participent pas avec eux à leurs fêtes, etc. Ils s'écartent de manière complète. Donc par la croyance, les actes et par la parole, on pourrait rajouter, même si on peut rentrer ça dans les actes pour certains, et physiquement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu les moyens, et quand sa da'wa à Mecca, elle n'a pas abouti, Allah jalla wa ala lui a ordonné d'émigrer vers Médine avec les compagnons. Radiallahu anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réprimandé durement les croyants qui sont restés à Mecca. Pour leur bien, souvent pour des choses, pour la majorité, pour des choses qui faisaient partie de la dunya. Le fait de délaisser leur famille, leur maison, leur bien, etc. Ils ont délaissé les hijra. Et Allah jalla wa ala, il les a réprimandés durement. Donc ça, à la base, c'est une obligation de s'écarter des mouchriquins. Donc là, dans cette partie-là du verset, donc ça, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, de là, on tire le tekfir des mouchriquins. Et on tire que le fait que le tekfir des mouchriquins, que de le dire le mouchrik, il est kafir, il n'est pas musulman, que ça vient dans que c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le sort de entre autres de ce verset là wa ma ana min al mushrikin. C'est pas simplement le sens wa ma ana min al mushrikin, je ne crois pas leurs croyances et je ne pratique pas leurs actes, mais je suis avec eux et je vis au milieu d'eux et je fais des choses avec eux, je participe à leur assemblée, etc. Non, ça suffit pas, il faut se désavouer complètement des mouchriquines, et ça commence par le fait de croire qu'ils sont mouchriquines et qu'ils ne sont pas musulmans. Parce que si après tout on s'écarte d'eux, c'est parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il dit « Wafihi wujub al-hijra ». Là-dedans on voit aussi l'obligation de l'hijra. Puisque à partir du moment où il faut s'écarter de manière physique, à un moment, il faut quitter le lieu dans lequel ils sont pour aller dans un lieu où il y a des musulmans, où au moins la situation, elle est soit dans un lieu dans lequel il y a des musulmans ou dans un lieu où la situation, elle est moins grave. C'est-à-dire, l'obligation de la hijra, c'est quelque chose qui est connu pas que par le délil du Coran, de la Sunna et de l'ijma. Ijma sur le fait qu'il faut quitter la terre de shirk vers la terre d'islam. بذلك يظهر وجه المطابقة بين الآيات والترجمة والنصوص في الدعوة إلى الله تعالى كثيرة جدا قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله تعالى كما دعا إليه. Et donc, on voit, on comprend pourquoi le shir il a mis, bon c'est clair et net, hein, pourquoi le shir il a mis ce verset-là dans ce chapitre-là, parce que chapitre de l'appel à la ilaha illallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah jalla wa ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens, ceci est ma voix. Et c'est quoi sa voix? Qul hadhi sabili ad'u ilallah. Donc la da'wa ilallah, et en premier lieu, rentre dans la da'wa, comme on l'a dit, la da'wa au tawhid, ça rentre dans, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix de tous les messagers avant lui. Et la voix de ceux qui suivent les messagers, qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on veut être parmi les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun il doit avoir son lot, sa part de da'wa ilallah. Encore une fois, chacun ses capacités, chacun sa situation, et Allah jalla wa ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne pas à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable d'accomplir. Mais il faut accomplir des efforts, plus d'efforts, surtout à notre époque où les prêcheurs au shirk et à l'égarement, eux, sont très nombreux. Et les nosos, les textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, qui montrent ou qui parlent de la da'wa ou qui appellent à la da'wa ou qui montrent aussi le statut de la da'wa, sont nombreux. Donc le premier verset où Allah Jalla wa Ala dit « Appelle à la voix de ton Seigneur » donc là Allah Jalla wa Ala s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et on sait que la règle c'est que tout le khitab l'innabi sallallahu alayhi wa sallam khitab li ummatihi c'est la règle que les ulama c'est la base c'est que tout lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ordre-là, il concerne toute sa communauté. Allah dit, « Ya ayyuhan nabi, if'al kadha wa kadha. Oh, toi prophète, fais ceci, fais cela. » Là aussi, c'est pareil. Allah dit, « Ud'u ila sabili rabbika. » Allah jalla wa ala, il ordonne son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la da'wa. Est-ce que ça veut dire que cet ordre-là, il concerne juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres, ils font rien? Non, la base, c'est que tout ordre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre pour sa communauté. À part s'il y a ce qu'on appelle une qarina, quelque chose qui va montrer que cet ordre-là, il concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, appel au sentier de ton Seigneur avec bil hikma ici, c'est la science, bil ilm, avec hikma, avec ilm. Wal maw'idha, el hasana, c'est-à-dire avec une bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et wajadilhum, c'est-à-dire discute avec eux et répond à leurs arguments billati hiya ahsan, de la meilleure des façons. Ici, de ce verset, on tire que la da'wa, c'est une adoration. On se rappelle de comment on détermine qu'une chose est une adoration ou n'est pas une adoration. Ça, c'est quelque chose qui est important, puisqu'Allah Jalla wa'ala nous a demandé quoi? C'est quoi la base de ce din? U'budullah wa la tushriku bi shay'an. Ani u'budullah wa jitanibu at-taghut. Donc, pour adorer Allah Jalla wa'ala, il faut connaître l'adoration. De la même manière, pour s'écarter du shirk, il faut connaître le shirk. Le shirk, c'est quoi? C'est donner l'adoration à un autre qu'Allah Jalla wa Ala. Donc il faut connaître l'adoration pour ne pas la donner à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment on reconnaît, on sait qu'un acte, une parole ou une croyance est une adoration, quelque chose qui est primordial aux musulmans de connaître ça. Et on se rappelle donc de la définition, entre autres, que les ulémas ont donné de l'adoration, comme la définition qu'on connaît tous d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah yarada min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Non, excusez-moi, on reprend. Donc, on a dit, oui, la définition de l'ibada. Donc, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah yarada min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina. L'adoration, c'est quoi? C'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah Jalla wa Ala, il aime et il agrée, comme parole ou comme acte apparent ou caché. Donc, tout ce qu'Allah Jalla wa Ala, il aime, ça rentre dans l'adoration. Allah subhanahu, il aime qu'on fasse des choses et il aime qu'on délaisse des choses. Et tout ça, en réalité, ça englobe toute la religion. Tout ce qui est amr, tout ce qui est ordre, ça rentre là-dedans. Tout ce qui est nahi, tout ce qui est interdiction, ça rentre là-dedans. Donc il convient de le connaître pour le donner à Allah Jalla wa Ala et pas à un autre que lui. Et ici, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Oud'ou. Oud'ou, c'est-à-dire da'a yad'ou, oud'ou, le fait d'appeler. Donc ici, ce qui est voulu, c'est la da'wa, l'appel, la prêche. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne son prophète. Il ordonne son prophète, Naam, et sa communauté d'appeler, de prêcher. Or, si Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que le ud'u, c'est un fi'al amr, c'est un ordre, c'est qu'Allah jalla wa ala, il aime ça. Allah, il nous ordonne d'appeler. C'est qu'Allah, il aime qu'on appelle à sa religion, et donc que la da'wa, ça rentre dans l'adoration. Donc ça, c'est wajh al-istidlal. C'est comme ça qu'on détermine que la da'wa, c'est une adoration comme la salat, comme la zakat, comme le hajj. C'est une adoration. Et à partir de là, comme il le dit à la fin de la phrase, à partir de là, si c'est une adoration, il convient, pour que cette adoration soit valide et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on la fasse conformément ou qu'on réalise les deux conditions de la validité de l'adoration, qui sont l'ikhlas. Ça que dans le verset, il dit, قُلْ هَذِي سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى مَذَا أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ La da'wa à Allah, subhanahu wa ta'ala, pas à un autre que lui. Et ensuite, الْمُتَابَعَ. Donc l'ikhlas qu'on appelle pour se rapprocher d'Allah, qu'on appelle à Allah, à sa religion, au tawhid, pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour rechercher la satisfaction d'Allah, et faire la da'wa comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait, comme on va le voir de manière détaillée dans le hadith inshallah d'Ibn Abbas lorsqu'il a envoyé Mu'adh au Yémen, et dans le hadith de Sahl ibn Sa'd lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné l'étendard à Ali le jour de Khaybar. Dans ces textes-là, on voit comment l'insan il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière. Donc l'ikhlas wal mutaba'a dans la da'wa, pour que cette da'wa-là, elle soit acceptée et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Wa qawlu ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah, à la religion d'Allah? Dit وهي واجبة على من اتبع أن يدعو إلى الله تعالى كما دعا إليه. Et là, ça revient à ce qu'on a dit ici. Donc, المتابعة, il est obligatoire à celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui à qui il incombe la da'wa. Comme on a vu, même si on a dit avant que c'est fard kifaya, encore une fois, il n'y a aucun doute qu'au jour d'aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire la da'wa au tawhid, cette da'wa-là, elle lui incombe. Elle est obligatoire pour lui, tellement sont peu ceux qui appellent au tawhid et qui appellent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière juste. Mais il lui a composé quoi? En yad'u ila Allah kama da'a ilay. Kama da'a ilay. C'est-à-dire al-mutaba'a. Appeler les gens à l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés. Non. Puis wa zakara Ibn al-Qayyim rahimahullah anna maratib ad-da'wa thalathatu aqsam. وذلك بحسب حال المدعو. أولا فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة يعني بالعلم ولا يحتاج إلا موعظة وجدال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وثالثا وإما أن يكون معاندا معارضا فذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن ولابد في الدعوة إلى الله من شرطين. Donc la parole d'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى ici dans cette parole il parle du verset donc qu'il a cité avant, Udi'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ibn al-Qayyim dit, dans ce verset-là, on a les trois différents degrés de da'wa, c'est-à-dire en fonction de du type de personne qu'on appelle, la da'wa elle va être différente. Ça aussi c'est très important, c'est d'adapter sa prêche à la personne qui est en face, au niveau de la personne qui est en face, ou aussi en prenant en considération qu'elle appartienne à tel ou tel groupe qui s'affilie à l'islam, mais qui a des choubouettes, etc. La première catégorie, il dit que c'est celui qui aime le haqq et qui cherche le haqq. Mais seulement c'est quelqu'un qui ne connaît pas le haqq. Mais c'est quelqu'un qui aime le haqq et s'il connaît le haqq, il va le préférer à autre chose. Celui-là, on l'appelle bil-hikma, c'est-à-dire avec science. Il y a juste à lui montrer le dalil. Celui-là, il y a juste à lui montrer le dalil, il va voir le dalil et il va suivre. La deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui est... C'est aussi quelqu'un qui aime le haqq. Mais c'est quelqu'un qui est occupé par quelque chose de la dunya. En général, c'est quelqu'un qui est occupé par la dunya, par des biens, par des richesses, par une certaine position, il a des postes, il est occupé professionnellement, etc. Donc c'est quelqu'un qui se détourne de la religion. Pas parce qu'il n'aime pas la religion, mais parce qu'il est occupé par autre chose. Celui-là, on va l'appeler par l'exhortation. C'est-à-dire en lui rappelant ce qu'Allah Jalla wa'ala, il a préparé pour le kuffar, yawm al-qiyam, et en enfer. Et ce qu'Allah Jalla wa'ala il a préparé pour les muslimines et les mouahidines au paradis. Pour qu'ils se détournent de ce qui l'occupe dans cette dunya-là et qu'ils suivent le haqq. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de celui qui il connaît le haqq dans le sens où on lui a exposé le haqq. Mais c'est quelqu'un qui s'enorgueillit et qui refuse d'accepter le haqq. Malheureusement, c'est cette catégorie-là auquel on a affaire le plus. Donc celui-là, on va rentrer, si on peut dire, en confrontation verbale avec lui, mais de bonne manière. De bonne manière, et avec science. En repoussant ses choubouhettes, et en exposant le haqq avec le Coran et la sunna. Parce que la base de la da'wa, c'est ça. La base de la da'wa, à la base, c'est kitab wa sunna. Et si jamais donc il refuse de revenir au haqq, après qu'on lui ait exposé et qu'il s'enorgueillit, alors là, dans la possibilité, si c'est possible, on passe à un autre genre de da'wa, qui est la da'wa par l'épée. C'est ce qui est voulu ici par le djilad. Le djilad bima'an al-qital. Si ça ne marche pas par le livre, par l'épreuve, alors la da'wa par le combat est légiférée sous certaines conditions. Diwa la buddha fi da'wa illallahi min shartain. أن تكون خالصة لوجه الله أولا الإخلاص، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. Donc ça c'est ce qu'on a dit avant. Comme dans toutes les autres adorations, l'adoration, la validité de l'adoration, elle repose sur deux conditions ou deux piliers qui sont l'ikhlas ou l'mutaba'a. Il faut appeler mukhlisan, c'est-à-dire en recherchant la satisfaction d'Allah Jalla wa Ala, et pas une chose de la dunya à être suivie ou je ne sais autre qu'elle n'y a. Et il faut être que cette da'wa soit conforme à la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le verra dans les deux hadiths qui suivent. Inch'Allah. Et celui qui évidemment ne réalise pas la condition de l'ikhlas, il est mushrik. Et celui qui ne réalise pas la condition de l'mutaba'a, du suivi, il est mubtadi'. Comme al-mutakallimin, qui appelle les gens à quoi? À observer la création d'Allah Jalla wa Ala, au lieu de les appeler à l'adoration d'Allah seul. Comme il va en parler après dans les inshallah. وقال الشيخ يعني الشيخ الإسلام تيمية يحتاج إلى الشروط كما في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يكون فقيها بما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه ورفيقا فيما يأمر به ورفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به وحليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف ويأمر به ويعرف المنكر فينكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى التحسين المقصود والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور والمنهي. نعم. Donc là il parle de quelque chose qu'on avait déjà vu dans le Wasitiya, c'est-à-dire le comportement du prêcheur. Le prêcheur, dans le Wasitiya, il avait déjà cité une parole d'Ibn Taymiyyah, où la règle c'était quoi? Al-ilmu qablahu, si on s'en rappelle, al-ilmu qablahu, wa rifqu athna'ahu, wa sabru ba'dahu. Ça veut dire quoi globalement? Qu'il faut être connaisseur, savant, de ce à quoi on appelle. Déjà une remarque ici, il parle de l'amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, en savant qu'il y a des ulama qui disent que l'amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar et la da'wa c'est la même chose. Il y en a qui disent que la da'wa c'est quelque chose qui est plus global que l'amr bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, mais globalement c'est les mêmes règles. Il faut être connaisseur à ce quoi on appelle. Il faut avoir la science, comme on l'a dit avant d'appeler. C'est une condition. Il faut, au moment où on appelle la personne, le faire avec douceur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, walaw professeur sallam, walaw kunta faddan ghaliz al-qalbi, lan faddu min hawlik. Ce professeur sallam, il avait appelé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et les gens, les autres gens avec dureté, ils se seraient écartés de lui. Ou comme quand Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon, il a dit quoi? Wa qul lahu qawlan layyinan fala'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dites-lui une parole douce. Peut-être qu'il va se rappeler et qu'il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ou dans le but qu'il craigne et qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans tabi'at al-insan. Si quelqu'un, tu lui parles en l'agressant, en général, il va fuir de toi. Donc, fait partie des comportements du prêcheur, le fait d'appeler avec douceur. Et ensuite, ici, il dit al-hilm, c'est-à-dire l'indulgence, ou sabre, la patience, c'est-à-dire qu'on sait qu'une fois, ça aussi, ça rentre dans surat al-Asr, On le retrouve, watawasaw bil haqq, la da'wa, watawasaw bi sabr, la patience. On sait que quand on appelle les gens à l'islam, quand on appelle quelque chose, quand on appelle quelqu'un à quelque chose qui va contredire sa croyance, qui va contredire la religion de ses parents, qui va contredire ses habitudes, qu'il va considérer comme étant une insulte pour lui, pour sa religion, pour ses parents, etc. On a vu dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la sira des ulama qui ont suivi les prophètes que on subit des nuisances, on subit du tort, on subit des insultes, même des coups, des tortures, etc. Donc il faut que le prêcheur il soit prêt à endurer ça et à patienter là-dessus. Donc globalement, ça c'est l'akhlaq du prêcheur ou de celui qui ordonne le bien. Avec science, avant la science, avant, pendant la douceur et après la patience et l'indulgence. L'indulgence, c'est-à-dire l'indulgence, c'est quand quelqu'un te fait du mal. Tu le châties pas tout de suite. Tu lui laisses un temps pour qu'il revienne vers la vérité. Et comme Allah Jalla parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Halim, c'est-à-dire celui qui laisse un temps à son serviteur pour qu'il se repente et qu'il revienne vers le haqq avant de le châtier. Ça, c'est le Hilm. C'est le Hilm concernant Allah Azzawajal. Mais le Hilm, l'indulgence, c'est ça. Et la patience. Et on va terminer avec ça. وقال المصنف فيه أن الدعوة إلى الله طريق وطريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم وفيه التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى النفس وأن البصيرة من الفرائض وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك. Donc ça c'est certaines مسائل que le شيخ رحمه الله محمد il a cité dans le متن à la base. On tire de ce verset là que la da'wa, l'appel à Allah Jalla wa Ala, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie de ceux qui l'ont suivi. Et donc il incombe à celui, à n'importe qui désire faire partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prêcher à Allah comme lui l'a fait. Dwafi tanbi ala l'ikhlas. Comme on l'a dit avant, li anna kathiran law da'a l'haq, fa huwa yad'u li nafsi. Comme on l'a dit avant, il incombe aussi d'être mukhlis, de vouer cet acte-là qui est la da'wa à Allah Jalla wa Ala seul et de rechercher la satisfaction d'Allah et de rechercher d'appeler les gens pour que les gens suivent la religion d'Allah. Pas pour une autre raison parmi les raisons de la dunya. Trois quarts des gens qui appellent à Allah comment dire, de manière comme ça visuelle, en apparence, c'est des gens en général qui appellent à leur groupe. Ce qu'on appelle les hezbiya. Le tel shir, le tel shir, le tel ceci, il fait une da'wa, mais en réalité pour être suivi. Pour en réalité être suivi. Et souvent, les ulama, ils disent le signe, ou ce qui va montrer que la personne, elle a un défaut dans sa niya, dans la da'wa, ça va être son comportement. Selon, est-ce que la personne, elle a répondu à son appel ou pas? Si tu vois que la personne, elle répond pas à son appel, elle répond pas à sa da'wa, et que cette personne-là, elle s'énerve, elle se met en colère contre lui parce qu'il répond pas à son appel, c'est quelqu'un qui a un problème dans sa niya, dans la da'wa. Parce qu'on sait qu'il incombe, innam alayka al-balagh, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, il dit, il t'incombe que le fait d'appeler les gens. Ensuite, Allah yahdi man yasha, Allah il guide qui veut. Quelqu'un qui se met en colère, c'est parce que il n'a pas réussi à, Allahu a'lam, c'est souvent parce qu'il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait de vraiment de cette soi-disant da'wa qu'il a fait. Allahu a'lam. Ensuite, il dit, wa anna al-basirata min al-fara'id, comme on l'a dit avant, al-basira, c'est-à-dire la clairvoyance, la science, ici du cœur, la science, ça fait partie des obligations. Pas question de faire une da'wa qui n'est pas basée sur un ilm précédent, sans avoir appris. On appelle à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et on peut rajouter ici quelqu'un qui va faire une da'wa ou qui va rentrer en munazara, ce qu'on appelle, ou en niqash avec des gens de la bid'a, et qui n'est pas capable, qui a pas les, comment dire, les armes pour répondre à leur choubouhet. Il va faire plus de mal qu'autre chose. Surtout pour les gens, s'il participe à une munazara, c'est-à-dire à un niqash, à une confrontation verbale, à un débat avec les gens de la bid'a ou des gens du shirk, et qu'il y a des gens qui écoutent et qui se montrent incapables de pouvoir répondre aux choubouhets, les gens vont dire, ah, t'as vu, c'est l'autre, c'est l'opposant qui est le haq, il est avec lui. Parce qu'il l'a cassé, l'autre s'il savait pas répondre, etc. Alors que c'est lui qui a le haq. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de répondre aux choubouhets. Donc avant de rentrer en munazara avec ces gens-là, il faut être capable de répondre à leurs choubouhets. Sinon, il faut s'abstenir. حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبس عن المسبس هي لو سير il le tire de où de سبحان الله سبحان الله on a vu que سبحان الله وما أنا من المشركين سبحان الله c'est le fait d'exenter Allah جل وعلا de d'écarter tout défaut de toute pensée qu'on pourrait avoir concernant Allah جل وعلا qu'il est un défaut une incapacité ou quelque ignorance etc. Il dit wa ma ana min al mushrikeen, c'est-à-dire gloire à Allah, je ne fais pas partie des associateurs. Ça montre quoi? Ça montre que le shirk fi masabba, le shirk dans le shirk, dans le fait de mettre un égal à Allah jalla wa ala, que ce soit dans rububiyya, dans ses noms et ses attributs ou dans l'adoration, c'est comme une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de réduire Allah subhanahu wa ta'ala de sa grandeur et de lui donner un égal parmi ses créatures qui ne possèdent pas ses noms et ses attributs. C'est ça le sens du shirk. Dans fi shirk masabba lillahi ta'ala masabba, même si c'est pas masabba sab dans le sens le fait clairement d'insulter Allah jalla wa ala, une insulte dans le sens on va dire qu'on connaît, mais le fait simplement de mettre un égal à Allah jalla wa ala dans une chose qui n'appartient qu'à Allah, que seul Allah mérite, ça c'est considéré comme une insulte envers Allah. Tu rabaisses Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais ressembler à sa créature qui est incapable, ignorante, etc. Donc l'inverse, وَأَنَّ مِنْ دَلَائِلِ قُبَحِ الشِّرْكِ كَوْنُهُمْ مَسَبَّةً لِلَّهِ ودي وفيه إبعاد المسلم عن المشركين أَلَّا يَصِيرَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَيُشْرِكِ. Et on trouve aussi là-dedans, donc on tire de ça de la parole, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, le fait que le musulman, il lui incombe de s'éloigner, de s'écarter des mushrikines physiquement, de manière à ce qu'il ne fasse pas partie d'eux, même si lui-même il commet pas le shirk. Donc on voit qu'on tire de ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements dans ce verset-là, de Surat Yusuf, et on voit que simplement le fait de ne pas faire de shirk, ça ne suffit pas, tant qu'on ne s'est pas écarté physiquement de, évidemment, dans la mesure du possible. Et chacun, selon sa situation et ses capacités, on va arrêter là, inshallah. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.